partir au soir. Ça t'a frappé comme un éclair, et tu commences seulement à y croire. T'as rien vu venir, qu'est-ce que t'aurais pu faire? On ne sait que trop tard. Quand arrive le premier jour de l'hiver, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Tu ne sens rien ou pas encore, rien qu'une gêne, un décalage. Tu te dis c'est peut-être comme ça quand on est mort. Tu fermes les yeux, y a des images qui viennent te transpercer l'âme et le corps. Et la douleur enfin sort lentement de sa cage. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Et tu t'interromps au milieu d'un geste. Tu mettais encore le couvert pour deux. Alors la certitude te pénètre. C'est maintenant qu'elle te fait ses adieux. La chaleur de son corps, la couleur de ses yeux, le long travail d'oubli a commencé. Et celui qui reste seul dit ne me laisse pas seul, je t'en prie, ne m'abandonne pas. Mais qui peut porter seul le poids de deux? Quand deux amants se séparent, l'un des deux a au fond du cœur une écharde.